Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'assassinat de Talat Pacha par Sogomon Delerian. C'est comme si quelqu'un, un juif quelconque, jeune, avait eu la chance de mettre une balle dans la tête d'Adolf Hitler, quoi. Pour les Arméniens, Talat, c'est exactement ça. Le géopolitologue Gérard Chalian, dans le documentaire « La vengeance des Arméniens, le procès Delerian », réalisé par Bernard Georges en 2015, l'image qu'utilise Gérard Chalian dans cet extrait est extrêmement forte, mais en quelques mots seulement, il réussit tout de même à nous faire très bien comprendre ce qu'a représenté pour la communauté arménienne l'assassinat à Berlin de Talat Pacha par Sogomon Delerian le 15 mars 1921. Ils étaient nombreux aujourd'hui à assister à l'inauguration du square Sogomon Delerian au cœur du quartier Vauban de Marseille. Une journée exceptionnelle puisque c'est la première fois qu'une ville européenne rend hommage à cette figure de la résistance arménienne. Sogomon Delerian, acquitté en 1921 de l'assassinat de Talat Pacha, ministre de l'Intérieur ottoman et principal organisateur du génocide arménien. C'est important parce que c'est une première en Europe et en France. D'avoir donc ce square au nom de Sogomon Delerian, donc qui est un héros, un justicier arménien. C'est vraiment un symbole fort à quelques jours du début des commémorations du génocide des Arméniens. Le projet de ce lieu, dédié à la mémoire de Sogomon Delerian, a été mûri pendant 2 ans. Aujourd'hui, les discours du maire de Marseille et de celui du 4e secteur de la ville, aux références appuyées au président turc Recep Tayyip Erdogan, négationniste du génocide, sont chaleureusement applaudis. À quelques jours de la commémoration du génocide arménien, la mémoire de l'un des héros de la résistance survolait aujourd'hui la petite place marseillaise. Extrait d'un reportage réalisé par une équipe du journal La Provence le 21 avril 2017 pour nous raconter l'histoire de Sogomon Delerian, figure de la résistance arménienne, héros, justicier arménien, disait-on dans le reportage qu'on vient d'entendre. Je reçois Jocelyne Chabot, qui est professeure au département d'histoire et de géographie de l'Université de Moncton, qui a co-dirigé également l'ouvrage Le génocide des Arméniens, représentation, traces, mémoire. Jocelyne Chabot, bonjour. Bonjour. Avant de parler de Sogomon Delerian comme tel, du meurtre de Talat Pacha, rappelez-nous peut-être, Jocelyne Chabot, le contexte qui va conduire à cette opération de vengeance contre les responsables du génocide des Arméniens, ce qu'on va appeler l'opération Némésis. Quel est l'élément déclencheur à l'origine de l'organisation de cette opération Némésis? Oui, alors il faut remonter à 1918, au moment où la Turquie est vaincue, la Turquie qui était alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie dans la Première Guerre mondiale. Dans le mauvais camp, entre guillemets. Dans le mauvais camp, effectivement. Donc, l'Empire ottoman, durant la guerre, était dirigé par ce qu'on appelle les Jeunes Turcs, le Comité Union et Progrès. Donc, ce gouvernement-là avait entraîné la Turquie dans la guerre. Et c'est ce gouvernement aussi qui est responsable du massacre des Arméniens. Donc, en 1918, ce gouvernement va démissionner et les principaux dignitaires de l'Empire ottoman vont fuir l'Empire ottoman avant l'arrivée des troupes alliées qui, ouais, elles, vont occuper Constantinople. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être exfiltrés littéralement sur un bateau allemand. Et via Odessa, ils vont se retrouver, pour la majorité d'entre eux, à Berlin. Ils veulent ainsi, évidemment, éviter un procès. Oui. Parce que, au printemps de 1919, donc quelques mois plus tard, à Constantinople, qui est occupée par les troupes alliées, le nouveau gouvernement, qui est un gouvernement libéral, va effectivement instituer une cour martiale pour juger les représentants du gouvernement jeune turc. Ceux-ci, donc, vont être trouvés coupables, oui, à la fois d'avoir entraîné la Turquie dans la Première Guerre mondiale, mais aussi d'avoir procédé au massacre des Arméniens, ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide des Arméniens. Donc, ces hauts dignitaires sont trouvés coupables, ils sont condamnés, mais ils sont déjà quittés, ils sont plus là, ouais, ils sont réfugiés et justice en ce sens-là n'est pas rendue. Ouais. Et c'est là que va naître cette idée, puis on pourra y revenir, mais cette idée d'opération de vengeance, ce qui va devenir formellement, mais on ne le saura pas tout de suite, ça, c'est ça qui est fascinant, entre autres, dans cette histoire, cette opération Némésis, et le premier geste concret, le premier assassinat commis dans le cadre de cette opération-là, c'est justement celui de Talat Pacha par Sogomon Télérian. Avant de parler des circonstances de l'assassinat comme tel, un petit mot sur la victime. Qui est-il, Talat Pacha, et quel rôle joue-t-il dans l'organisation du génocide des Arméniens? Alors, Talat Pacha a été ministre de l'Intérieur dans le gouvernement ottoman durant la guerre. C'est aussi, on pourrait dire, le principal architecte du génocide des Arméniens. Ouais. Il a été aussi premier ministre. Donc, c'est un personnage central dans le gouvernement Jeune Turc ou Comité Union et Progrès. C'est un homme qui est un nationaliste, effectivement, même si lui n'est pas turc, hein, il est plutôt bulgare, né en Thrace, donc qui appartenait à ce moment-là à l'Empire ottoman. Et c'est quelqu'un qui va jouer ce rôle-là central à partir de 1913, à partir du coup d'État des Jeunes Turcs, alors qu'il s'empare du pouvoir. Donc de purifier, entre guillemets, la Turquie, il est vraiment derrière cette idée de génocide des Arméniens. Avec un certain nombre d'autres dignitaires, effectivement. Alors, il se retrouve, comme la plupart de ses dirigeants, vous nous le disiez, à la fin de la guerre, il se retrouve Talat Pacha à Berlin, en Allemagne. Et le 15 mars 1921, il est assassiné vraiment tout près de chez lui, à Berlin. Berlin, 15 mars 1921. En cette fin de matinée, la Hardenbergstrasse est calme. Quelques rares passants la parcourent. Un homme imposant, la cinquantaine, sort de l'immeuble bourgeois situé au numéro 4. Il est grand, élégant, porte canne et chapeau, et s'éloigne d'un pas tranquille. Il ne remarque pas le jeune homme qui le suit depuis le trottoir d'en face. C'est seulement lorsque celui-ci traverse la rue pour venir à sa rencontre qu'il l'aperçoit enfin. Maintenant, ils sont face à face, mais il est déjà trop tard. Ce jeune homme qui le dévisage froidement a sorti son revolver de sa poche et le pointe à bout touchant sur le crâne de sa victime. Une seule détonation et Talat Pacha s'écroule sur le trottoir. Le jeune Sogomon Télérian reste sur place, les pieds dans la flaque de sang qui s'agrandit sur l'asphalte. Il vient d'exécuter l'ex-premier ministre de l'Empire ottoman, le principal organisateur du génocide des Arméniens. L'opération Némésis vient de débuter. Extrait du documentaire interactif « Opération Némésis » réalisé par Camille Duvelleroy et présenté à la chaîne Arte en 2015. Revenons, Jocelyne Chabot, sur ces événements du 15 mars 1921. On a une très, très bonne idée avec ce qu'on vient d'entendre de ce qui s'est passé ce jour-là. Qui est-il, Sogomon Télérian? Alors, Sogomon Télérian, c'est un jeune Arménien, effectivement, né dans la ville de Erzincan, qui a vécu là la plus grande partie de sa vie. Durant la Première Guerre mondiale, Télérian, en fait, va faire partie de ce qu'on appelle les volontaires arméniens qui combattent à côté des Russes, donc qui combattent l'Empire ottoman du côté des Russes. Donc, c'est un homme qui a, un jeune homme qui a une expérience de guerre. Ouais. En 1920, Télérian va assassiner un traître arménien, Megardirchian, qui avait contribué à établir la liste des intellectuels qui devaient prioritairement, le 24 avril 1915, être arrêtés et éliminés quelques semaines plus tard, par les autorités ottomanes. C'était des intellectuels qui résidaient à Constantinople. L'idée, c'était de couper la tête, au fond, de la communauté de l'élite, effectivement, arménienne, ouais, pour qu'elle soit moins apte à se défendre et à se faire entendre, bien sûr. Donc, c'est déjà, il a ce fait d'armes important, entre guillemets, qui fait qu'on va le remarquer, qu'on va le recruter, que les gens qui s'occupent de l'opération, qui sont en train de construire cette opération Némésis, qui à ce moment-là est inconnu, là. On ne sait pas que ça existe, mais c'est comme ça qu'on va le remarquer. Oui, parce qu'il a cette expérience. Ouais. Et que lui, toute sa famille, en fait, a été, ou enfin, la plus grande partie de sa famille a été éliminée durant le génocide à Erzincan. Ouais. Alors, donc, il a aussi, comme tous les autres membres de l'opération Némésis, perdu la plus grande partie de sa famille. Et comment retrouve-t-il Talat Pacha à Berlin? Comment il réussit à remonter jusqu'à lui? Alors, évidemment, c'est une opération, c'est une traque qui est organisée sur trois continents. à partir de Boston, où on retrouve des membres de la Fédération révolutionnaire arménienne, ce qu'on appelle aussi le Parti d'Ashnak. Mm-hmm. Donc, il y a une antenne à Boston, il y a aussi une antenne à Genève, où on donc retrouve là quelqu'un qui est un important acteur de cette traque-là. Donc, à Genève et aussi à Constantinople. En fait, les Vengeurs sont recrutés à Constantinople. Mm-hmm. Et ensuite, la traque est mise en place. On va envoyer à Berlin plusieurs membres de cette opération Nemesis, de cette mission. Il y a une taupe qui infiltre les milieux turcs de Berlin, qui est lui aussi un jeune homme. Il se fait passer pour un étudiant turc. Il parle parfaitement le turc. Il va même se faire circoncire pour, évidemment, attester qu'il est turc et musulman. Il s'appelle Arach Papazian. Et c'est lui qui, peu à peu, va identifier les principaux responsables du génocide des Arméniens. Et par ce biais-là, la traque va commencer et on va pouvoir retrouver ces hommes-là et où il loge, en fait. Ouais. Et c'est donc après ce travail, ce premier travail d'enquête, qu'on va dire à Sogomon Telerian, tu es chargé, toi, de commettre le premier assassinat dans cette opération Némésis et d'assassiner donc Talat Pacha. Il va le faire le 15 mars 1921. Ce qui est assez particulier, puis on va comprendre pourquoi dans un instant, c'est qu'il ne s'enfuit pas. Il reste sur place après avoir assassiné Talat Pacha. Donc la police lui met la main au grappin tout de suite. Et son procès commence dès le 2 juin 1921. Quelques semaines plus tard, le procès Tehlirian s'ouvre dans l'agitation. Le palais de justice berlinois est bondé de journalistes, de curieux et d'avocats ayant délaissé leurs affaires pour assister au débat. La rumeur présage que les audiences vont offrir une tribune à la cause arménienne qui, depuis les massacres de 1915, pourtant largement rapportés dans la presse de l'époque, n'a guère mobilisé l'opinion internationale. La séance s'ouvre avec l'audition de l'accusé. Tehlirian s'adresse au président. Il raconte comment, sur les ordres de l'ex-premier ministre turc Talat Pacha, il fut déporté avec toute sa famille 6 ans plus tôt, comment il a assisté au massacre de sa mère, de ses sœurs, et comment, laissé pour mort, il s'est retrouvé au milieu des cadavres des siens. Il conclut sa déposition en déclarant « Je ne me crois pas coupable car ma conscience est tranquille. » Le président « Pourquoi votre conscience est-elle tranquille ?» Tehlirian répond « J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier. » Extrait du documentaire de Bernard Georges, La vengeance des Arméniens, le procès à Tehlirian, diffusé en mars 2015 sur la chaîne Arte. Ce qui est extraordinaire dans ce procès-là, Jocelyne Chabot, c'est qu'on vient de l'entendre, c'est qu'au fond, c'est la victime qui sera jugée comme génocidaire arménien. Et ils le savent, en fait, quand je disais juste avant d'écouter cet extrait, la directive qu'a Tehlirian, c'est d'assassiner Talat Pacha, de se faire prendre par la police. On veut, les cerveaux, les architectes de l'opération Némésis, veulent que ce procès-là serve à juger, non pas Tehlirian, mais les génocidaires, les responsables du génocide. Oui, tout à fait. C'est déjà prévu qu'il se fasse arrêter, qu'il y ait un procès. L'idée derrière ce procès, c'est que ça va relancer la cause arménienne qui tend à tomber dans l'oubli. Et ça va aussi informer la population allemande des événements qui se sont déroulés chez leurs alliés durant la Première Guerre mondiale. Parce que, évidemment, durant la guerre, toute cette histoire a été censurée. Mm-hmm. La presse allemande a censuré toute information provenant de l'Empire ottoman. Donc, il s'agit de relancer, si je puis dire, la cause arménienne. Et ça marche. Voyez ce qui s'est passé. Cet homme-là qui vient d'être assassiné, au fond, est coupable d'un crime pire encore, entre guillemets, que ce qu'il vient de subir. Oui, et ça marche, effectivement. Ouais. Les journalistes sont là. Le procès est largement suivi par la presse allemande, bien sûr, mais aussi par la presse internationale. Et Tehlirian va plaider une espèce de moment de folie, voici mon passé. Et ça, il y a des témoignages. Il y a des psychiatres qui vont venir témoigner pour dire oui, cet homme-là n'avait pas tous ses... n'était pas sain d'esprit au moment où il commet le meurtre. Oui, 5 spécialistes sont appelés à la barre, hein, des médecins. En fait, ils vont confirmer que Segomon Télérian est perturbé, oui. A été perturbé par, évidemment, les événements qu'il a vécu, l'assassinat de sa famille à Erzincan, et aussi qu'il est épileptique. Donc, et à l'époque, on connaît mal cette maladie, donc évidemment, tout ça contribue à faire en sorte qu'il passe pour... un illuminé, ouais. Un halluciné, si je puis dire. Et il va être acquitté. Il va être acquitté, oui, absolument. On saura, mais que des années plus tard, que cette version qu'il présente au tribunal, en fait, c'est un numéro d'acteur formidable qu'il est en train de jouer à Berlin. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire qu'une grande partie de sa famille a été assassinée, oui. A été massacrée. Mais lui n'était pas là, oui. Puisqu'il combattait du côté des volontaires arméniens. Donc, il n'a pas assisté à l'assassinat de sa famille. Mais oui, sa famille a été quand même assassinée. Donc, Télérian, semble-t-il, est épileptique, mais évidemment, il n'est pas du tout halluciné. C'est très bien ce qu'il fait. Oui. On lui a commandé un meurtre. Oui. Il s'en acquitte. C'est le premier assassinat dans le cadre de cette opération Némésis. Il y en aura d'autres. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y aura d'autres responsables du génocide qui vont être assassinés, toujours sur le même mode opératoire, c'est-à-dire on ne veut pas faire de victimes collatérales. On assassine à bout portant, d'un coup de fusil, d'une balle, habituellement dans la tête, ces responsables, ces principaux, ceux qu'on juge responsables du génocide des Arméniens, qui avaient été condamnés par contumace, oui. Pour la majorité d'entre eux lors des procès de Constantinople en 1919. Donc, il y en a qui sont assassinés à Rome, d'autres à Berlin. On peut penser aussi à Cemal Pasha, qui lui va être assassiné à Tbilissi, c'est-à-dire à Tiflis, donc en Géorgie. Mais l'opération va devoir s'arrêter en 1922, faute de fonds. Ah bon? Donc, ce ne sont pas tous ceux qui se retrouvaient sur la liste des criminels génocidaires qui seront exécutés lors de l'opération Némésis. Mais au total, combien de responsables de génocide seront exécutés dans le cadre de cette opération? Il y aura aussi des gens qui sont responsables des massacres de Bakou. Donc, ce n'est pas juste le génocide comme tel. Il y a aussi des traîtres qui sont assassinés. Mais parmi les principaux responsables, on retrouve 6 hauts responsables, ouais. du massacre des Arméniens qui sont exécutés là, par et dans le cadre de l'opération Némésis. Segomon Télérian, donc on l'a dit, il est acquitté à la suite de son procès à Berlin. Qu'est-ce qu'il va devenir après? Alors lui, écoutez, il va partir, il va quitter Berlin, il va aller à Paris brièvement et ensuite il se retrouve à Belgrade, là où réside sa fiancée et donc qu'il va épouser. Ils vont plus tard quitter l'Europe pour les États-Unis. Il va vivre en Californie, donc c'est là qu'il va décéder en 1960. Oui. Ce qui est intéressant aussi de cette opération-là, c'est qu'elle pose des questions d'éthique intéressantes. Sur le sort qu'on doit réserver ou pas aux responsables de génocide. Et il y a quelqu'un qui sera un acteur important de la suite de cette série d'assassinats. Il est, c'est le juriste polonais Raphaël Lemkin. Il se fascine pour le procès Télérian et il est dans ses questionnements éthiques. Quel sort doit-on réserver à ces gens-là? Et c'est un peu par son travail, Jocelyne Chabot, qu'en 1948, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, reconnaît le génocide, le crime, en fait, de génocide. Oui, Raphaël Lemkin est évidemment un juriste juif polonais qui, comme vous le dites, s'est beaucoup intéressé au procès Télérian. Ça l'a fait réfléchir dans le sens où, selon lui, en droit international, les crimes de masse ne sont pas punis. Il faut donc absolument qu'il y ait en droit international une loi qui punisse les crimes de masse. Donc, le procès Télérian, pour lui, est quelque chose de juste. C'est-à-dire que, étant donné que justice n'a pas été rendue, Télérian a posé un geste juste, oui. Du point de vue éthique. Raphaël Lemkin va, durant la Deuxième Guerre mondiale, se réfugier, lui, aux États-Unis. Mais toute sa famille va être exterminée par les nazis, durant la guerre. Et en 1944, il va créé, forgé le terme de génocide. À partir de là, il va tout mettre en œuvre pour qu'une loi au niveau international punisse ce crime-là. Et ce sera la Convention de 1948 sur, effectivement, la prévention et la répression du crime de génocide. Donc, le procès Télérian a alimenté sa réflexion sur les crimes de masse. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui se rapprochent de cette opération de vengeance dans l'histoire du monde? On écoute d'abord, si vous voulez, l'acteur et auteur américain Eric Bogosian, qui a écrit un livre sur l'opération Némésis en entrevue au réseau PBS en 2015. Il décrit d'abord la particularité de cette opération Némésis. The movie is that these people, particularly the organizers, were nobodies. Le film derrière cette histoire repose sur le fait que les organisateurs de l'opération Némésis étaient des personnes sans histoire. Parmi eux, il y avait un comptable de Syracuse, un courtier d'assurance de Hartford et un éditeur de Boston. Ils menaient tous des vies ordinaires. Ils ont engagé des assassins pour changer le cours de l'histoire, puis ils sont retournés vivre dans l'ombre. C'est une histoire extraordinaire. And they came from nowhere, they changed world history and they went back to nowhere. And that's an incredible story. It's extraordinary. I actually don't know of any story like it in history. Je ne crois pas qu'il existe un autre cas dans l'histoire où des citoyens ordinaires ont pris la décision de venger leur peuple des crimes de guerre qu'il a subis sans avoir à en payer le prix au niveau judiciaire. Ils ont tué 5 dirigeants turcs importants et un seul d'entre eux s'est fait prendre. Arrêté en Union soviétique, il a été envoyé dans un goulag en Sibérie et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. He went to Siberia, he went to the gulags. So that and he was never heard from again. Ah, cette opération Némésis, Jocelyne Chabot, est-ce que c'est pour ce que vous en savez un cas unique dans l'histoire du monde? Je pense que oui. C'est sûr qu'on peut penser à la chasse aux nazis après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui avaient échappé là au procès. Mais c'est très particulier parce que, en fait, on a là effectivement des jeunes hommes qui ont une expérience parfois militaire, mais au fond veulent venger leur peuple, bien sûr leur famille, qui a été assassinée. Ce n'est pas un État non plus qui commande cette traque et cette chasse aux criminels de l'Empire ottoman. C'est un petit groupe issu du parti d'Ashnak. Donc, ils sont très peu nombreux. Et l'objectif est effectivement de faire justice. Hein, ils ne se considèrent pas comme des terroristes ou comme des criminels. Ils se considèrent vraiment comme des vengeurs, des justiciers. Ce qui s'en rapproche le plus, moi j'essaie de réfléchir, c'est peut-être, mais avec des nuances, à la suite des Jeux olympiques de Munich, de l'attentat contre les Juifs israéliens à Munich, il y a eu une opération où vraiment, comme dans le cas de l'opération Némésis, on ciblait des gens, mais pour les assassiner. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus, je pense. Probablement, oui, tout à fait. Jocelyne Chabot, professeure au département d'histoire et de géographie de l'Université de Moncton, co-directrice, je le rappelle, de l'ouvrage « Le génocide des Arméniens, représentation, traces et mémoire ». Merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.